Jean-Philippe, je trouve que tu ne fais jamais le mot du début. Le mot du début, c'est quoi déjà? Oua, oua. C'est le même que la fin? Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion, pas de problème. Ici Frédéric Barbouchet en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Salut. Mathieu Bouillon. Happy together. Non, c'est closer. Right, c'est ça. Ah, mais c'est correct. T'as pas raté rien. OK. Mais alors, Mathieu, à part d'être le podcast numéro un dans ton cercle d'amis, qu'est-ce que c'est, pas de problème? Pas de problème, c'est des gens nous posent des questions via différentes plateformes web et on y répond selon différents niveaux de bonne foi. OK. Wow. C'est parfait, ça. Oui. Oui. Donc, le problème de cette semaine, Jean-Philippe? C'est un problème qui nous vient de Francis. Bon gars. Dire que j'ai pensé à ça. Bonjour, pas de problème. J'aimerais rajouter mon problème à votre banque de données déjà bien remplie, sans doute. Alors, voici mon problème. Comment intéresser mon frère de 15 ans aux vraies choses de la vie, comme les filles, tout en stoppant sa dépendance aux jeux vidéo? Merci bien à vous. Je serai ravi d'entendre vos solutions. Vous pouvez dire mon nom. Sans problème. Désolé, c'est un problème qui nous vient de Harton. J'avais lu l'autre affaire d'après. Voilà. Harton. C'est dur, ça. Harton, c'est le courseur automobile qui avait ce nom-là aussi. Harton, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était oui, le même. C'est vrai, ouais. Ça ressemblait. Ouais. Harton. Oui. Voilà. Donc, on ne sait pas quel âge qu'il a, Harton. Peut-être qu'il a 16 ans. C'est possible. Ah. 17, peut-être 60 aussi. Ouais. La nouvelle famille. Là, c'est ça, là. Mathieu. Il y a plusieurs niveaux à la question. Oui. Oui. Ben, d'abord, d'associer jeux vidéo et pas la vraie vie. Déjà là, il faut faire attention. Non, mais moi, j'ai joué un petit peu à des jeux vidéo. Frédéric, un peu plus que moi. Comment un peu plus que toi? Beaucoup plus que t'étais moi. T'étais tout le temps là. Ouais. T'en jouais même avant, temps. Mais après, depuis, tu vois, j'ai un peu moins joué. Même moi aussi. Non, mais pour moi, il y a quand même des leçons dans le jeu vidéo. Ah oui, de la vraie vie, tu veux dire? Ben, dans quel jeu, Antoine? Aucun. Non, mais il y a eu des jeux comme ICO, par exemple, on a mis celui-là, donc ils sont artistiquement un peu plus... Colossus. C'est les deux, c'est les mêmes créateurs. Le mini-jeu chez nous, là, c'était quoi ça? Journey. Journey. Je connais pas ça. Donc, c'est plus intérieur, c'est atmosphérique. C'est comme une œuvre d'art. Enfin, là, c'est la prétention de la patente. À laquelle tu participes. Donc, t'es pas vraiment en compétition, c'est pas vraiment violent. C'est. T'interagis dans un univers où, écoute, là, dans ce cas-là, c'était le philharmonique de Tokyo, je pense, qui avait fait la musique. Wow. Et puis donc, c'était très beau design. T'embarques dans cette affaire-là. C'est quoi le petit jeu là, que tu m'as fait? Braid. Braid, oui, c'est ça. Il est phénoménal aussi. Ouais. Il donne aussi le son sur la vie. Tout ouais. Ça, mais qui aussi revisite un peu l'univers du vieux jeu vidéo, tu sais, qui de Mario Bros. De, ouais, c'est ça. Mais t'as raison, Antoine, tu sais, les jeux vidéo ont pris une tournure quand même plus artistique qu'avant, j'ai l'impression. La technique supporte cette affaire-là, tu sais. Puis il y a beaucoup de jeux indépendants aussi qui deviennent très populaires, chose qui n'arrivait pas avant. Comme Braid, c'est totalement indépendant. Le gars dans son salon qui a fait ça tout seul, puis finalement. Mais aussi, ils disent que les chirurgiens qui jouent aux jeux vidéo auraient une meilleure dextérité que les autres. Tout à fait. Pourcentage. Au jeu d'opération sur la DS? Oui, c'est ça. Non, non, mais... Oui, parce qu'ils sont habitués aux cris. Non, des gens qui tirent avec des AK-47. Ouais. Non, mais juste par rapport à la dextérité, œil, en fait, le rapport œil-main, fait en sorte... Devient meilleur. Oui. Oui, puis on le sait, hein, les ordinateurs, les premiers programmes, tout ça, c'était souvent par rapport au jeu. Hein, tout l'exercice de créer un bon jeu d'échecs sur l'ordinateur, ça a occupé bien des gens, mais ça a permis de grandes avancées. C'est souvent, tu sais... Le ludique Pong, dans tout... Ouais. Dans toutes les sphères de la vie. Tout à fait. C'est quoi déjà? C'est Volkswagen qui a le truc... fun... tu sais, ils ont fait... Le Fun Theory. Là, où ils avaient mis un piano. Ça faisait de la musique dans les escaliers, à côté des escaliers roulants, puis les gens utilisaient plus les escaliers qui faisaient de la musique. Parce qu'ils trouvaient ça drôle. Ouais. Mais puis c'était quoi le dernier que j'ai vu? Allez voir ça, Fun Theory, ouais. C'est très drôle. C'est intéressant. Mais la question est grande, c'est quoi les vraies choses de la vie à 15 ans, selon vous? C'est peut-être, c'est con, mais des tâches ménagères qu'il fait pas, ou... T'sais, peut-être qu'il n'est pas impliqué dans la vie de la famille, ou t'sais, ça c'est plate, là, quelqu'un qui est isolé parce qu'il vit dans la virtuelle. Là. Oui. Ouais. Mais tu sais, peut-être que le virtuel le juge pas. Non. Tandis que mais son entourage. Arton, il le juge. Non, mais comment appartenir aussi? Des fois, à cet âge-là, il faut. T'sais, tu as juste envie d'appartenir à quelque chose, puis là, tu vois que tout le reste. Là, je dramatise peut-être un peu trop. Mais tu sais, tout le reste se ferme. Fait que ça, tu vas là-dedans, tu sais. Ou t'as des intérêts, puis ça va pas durer. Il y a une nouvelle tendance qui existait moins dans mon temps à moi. Et je le vois avec quelqu'un avec qui j'habite. c'est de jouer en ligne avec d'autres personnes. Ouais. Non, Thomas, 15 ans. Moi, j'ai toujours joué, soit tout seul contre la machine ou avec un ami. Et donc, cette idée-là de s'isoler était bien concrète, de faire, j'ai passé 12 heures sur un jeu seul. Mais là, maintenant, il est en ligne. Il a son casque, il se parle. Je ne te dis pas qu'il ne s'isole pas, mais il y a ça de rassurant, je me sens, entre guillemets, où au moins, il communique cette affaire-là. Même si nous, on ne comprend pas, on ne rentre pas dans cet univers-là. Bien que je comprends très bien, moi-même, Black Ops 2, j'adore ça. Mais, tu sais, ils parlent, ils se font des codes, ils se reconnaissent là-dedans. Puis oui, puis souvent, ils jouent en équipe. Mais on faisait ça, on se passait la manette un à l'autre, on a quand même joué. Tu sais, on n'avait pas de... On n'était pas chacun chez nous. Bon, on était chacun chez nous parce qu'on habitait ensemble, mais il y avait de ça. Oui, là, mais maintenant... à deux, tu sais, on se crinquait les deux gays, puis j'ai fait... Snake, comment il s'appelait, là? Solid. Solid Gear, le premier, j'ai fait tout seul, là, pendant une fin de semaine. Tu sais, j'étais pas dans un rapport. Tu sais, là, ils sont 5-6, puis ils se parlent. Puis, frère, va là, non, OK, hey, bravo, non, watch toi. C'est cool. Hey, ça vaut ce que ça vaut. Tu sais qu'on s'était acheté des oreillettes à la naissance de mon gars? Ah, je l'ai. Pour essayer de... ça a pris plus de temps les arranger que de jouer. Ouais. Mais, mais 15 ans aussi, c'est là que... c'est l'âge, tu sais, même moi qui est un peu la personne la moins gamer au monde, là, maintenant, là, il reste qu'à 15 ans, je passais un nombre important d'heures sur le Super Nintendo ou l'ordinateur, mettons, t'sais. Mais t'es la personne la moins gameuse au monde? Ben, écoute, vraiment peu, tu sais. Mais non, ça veut pas dire de jouer à Massive... Mais tu sais, mettons... c'est juste que mon intérêt envers des jeux ne dure plus comme avant, il pouvait durer. Tu peux jouer comme... Tu joues pas à Bejeweled? Ben, plus à cette heure, tu sais. Je peux pogner genre 4 jours d'intérêt, là. Puis c'est même pas genre 4 jours intenses, mais tu sais, je vais jouer un peu pendant 4 jours, puis après ça, tanné. J'ai plus cette envie-là, comme... J'ai un Nintendo DS qui dort là, dans ma chambre. Puis Angry Birds, ça, c'est fini, ça. Zéro, là. J'ai embarqué là, une demi-journée, je trouve ça bien. Ben, c'est pas mal. Non, mais c'est pas ça que j'ai en jugeant, là. Je veux juste dire que comme on passe tous par une phase plus gamer. Mais moi, justement, là, le fait que les jeux sont devenus trop compliqués, là, m'ont perdu. T'sais. Ouais, mais t'as une autre vague, là. Exact. Tu le vois dans le métro, les gens qui jouent aux petites affaires unlock, là, c'est trois bouts de bois qu'il faut que tu tasses. Ouais. Qui font des sudokus sur leur machine. Qui font des lignes des Tetris ou l'équivalent, c'est pas extrêmement complexe. C'est vrai, mais on dirait. J'en vois, là, je regarde des jeux, là, écoute, c'est un rond et un carré, mais ça. Mais ça devient addictif, c'est bien fait, puis tu montes de niveau, mais c'est pas compliqué. Ça occupe l'esprit tout le temps. Je pense que c'est la Wii, la première version de la Wii qui a tout ramené cette affaire-là. Ça, c'est plus ludique un peu. Le plus ludique, le retour au jeu, mettons. Le fait que c'est pas compliqué, j'ai juste à bouger le bras, je fais ça. Même moi, des fois, il me pogne des envies de jouer à Mario Bros plus qu'à Batman, Arkham Asylum, parce que c'est trop compliqué, des fois. On dirait que c'est peut-être moi qui veux pas comprendre, mais des fois, j'ai pas le goût de me casser la tête. J'ai juste le goût d'être un bonhomme qui court et qui saute par-dessus des enfants. T'as pas tout le goût de t'immerger dans un univers, puis de comprendre les codes, puis d'investir ta vie. Là. C'est comme. Ça, c'est comme l'équivalent de n'importe quelle forme d'art où tu t'sais, tu t'inities, puis à un moment donné, tu vas voir un peu plus loin, puis t'apprécies d'autres choses. Là, t'sais. Mais tu sais, reste que la Wii, ce qu'ils ont fait, eux autres, c'était un peu... Démocratisé. Non, c'est technoisé jouer d'art. Là. Ouais. C'est dans le sens où tu joues en dedans. au bowling. Ah, déjà, ouais. Ça. Oui, exact. Mais bref, ben, selon moi, ça va passer. Ou ça va évoluer en quelque chose où il va devenir peut-être en faire une carrière, tu sais, ou... Ouais, mais tu sais, World of Warcraft, ou ouais. Il y en a d'autres, où t'es quand même confronté à des décisions de bien et de mal, là, je me sens entre guillemets. C'est pas les plus grandes leçons, là. Tu peux lire des livres aussi, là. non, mais t'es quand même... Le livre World of Warcraft. Ouais. Non, mais c'est excellent. C'est quand même des enjeux. Ouais. Peut-être pas, tu peux devenir bon méchant. T'as des jeux, là, tu joues à Dieu, tu joues à... Ouais. Il y a plein de modèles. Là. On apprenait ça reste là, à la base. Bah. On apprenait l'anglais aussi, il faut dire. Moi, plus jeune, mettons, là, de par les jeux vidéo, ça, c'est l'anglais, c'était bon. Hey, quand tu comprends que ta princesse est dans un autre château, t'es en tabarnak. Oui. Ouais. Ouais. Non, mais... C'est ça qu'il dit. Ouais, mais vraiment, je pensais juste déménager. Ouais. C'est ça. Vous autres, est-ce que vous aimiez ça, les jeux que j'appelais des jeux de quest, là, comme King Quest, puis Police Quest, puis les jeux sur j'avais pas d'ordinateur, fait que je jouais pas à des jeux. King Quest, on jouait à ça chez vous. C'était les meilleurs jeux, ça. Les heures en bobette. Final Fantasy. Ouais. Hey boy. Ouais, ça, ouais. C'est long, longtemps. C'est très long. Des sorciers. Allez, pour se rendre au niveau 99, là, aller dans la forêt des brontosaures, là, on l'a tout fait. Là. Ah, ça fait trop longtemps, je pense. Là, c'est pas connu. Parce que, bon, y a l'écran cathodique, la facilité, tout ça, mais c'est pas pire que moi, j'ai joué à des livres dont vous êtes les héros, là, on s'entend, il n'y avait pas de grandes leçons dans cette littérature-là. Je lisais, là, je veux bien croire, mais c'était pas soudainement beaucoup mieux, mais j'avais des choix à faire. Tu as des choix à faire. Je pense que pour... Si on brusque quelqu'un, il risque de pas sortir de tout ça. Peut-être donner une petite poussée de rien, c'est-à-dire rentrer dans son univers du jeu vidéo et l'amener à... Tu sais, des fois, il y a des foires de jeux vidéo. Je sais qu'il y en avait eu à Montréal. Je sais pas s'il y en a encore. Tu sais, tu te rends une place où il y a d'autres mondes qui ont le même intérêt. Là, il croise des filles cute, tu sais, dans son élément ou... Non. Non? Des geekettes. Non, mais... Et des... Bref, tu sais, s'ouvrir à la vie, des vraies choses de la vie, selon Harten, mais... qui ont rapport avec son univers à lui, pour un peu aller... Si, mettons, on sort des jeux vidéo, puis que... Ouais. Lui, pourquoi il fait pas profiter de son expérience à son frère, justement? Tu sais, puis je parle pas de l'amener dans un musée, absolument, là, mais tu sais, de dire... tout le monde accepte l'offre de « Viens, je t'amène au cinéma, je te paye le cinéma, tu viens avec moi. » Choisir le film, y montrer ce film-là. Ne serait-ce qu'il fait faire des sorties qui, graduellement, peuvent lui donner le goût de faire d'autres choses, j'ai l'impression, tu sais. Plutôt que de juste toujours être dans l'accusation de « Tu fais rien, tu t'es dans la maison, sors avec, fais des affaires avec lui. » Des activités sportives aussi, ou... Pourquoi pas? Ou ça d'église, chanter. Chanter. D'accord. Tu vois, mon gars, il est accro au iPad, là. Ouais. C'est fou. Mais ça nous a aidé à régler des trucs. Parce qu'on lui a dit, là, c'était pas gentil, tu mords puis tu tapes. Tu joueras pas. Puis là, il arrive la garderie puis il fait, moi, j'étais gentil. Je joue à iPad. Moi, l'iPad. Ouais. Non, mais il reste. Là, des fois, on dit non, mais... OK, mais enferme-toi dans celle de je veux pas le voir. Non, mais... Tu sais, au moins... En même temps, c'est pas la fin du monde, là. Ils jouent pas pendant 4 heures. Mais... Oui, mais c'est une réalité. Ils vont manœuvrer, manipuler ces outils-là, puis ils vont... Tu vas voir, oui... Mais c'est quand même parce que je pensais à mon neveu qui a jamais pensé au fait de louer un film, tu sais, chose qui n'existe pas. Un film sur support, il connaît pas ça. Mais ne serait-ce qu'un DVD, tout ça, tu sais... Je sais pas c'est quoi. Fait que c'est une autre réalité, là. C'est fou. Exactement, puis ces gens-là vont être prêts. Quand un sauveur va venir du ciel, puis... Non, mais quand lui, là, il a 15 ans, c'est pas mal, mais je pense, ton fils ou ma fille, dans 15 ans, là, écoute, c'est exponentiel, ça va être intégré, ça va être partout, ça va être... Écoute, là, ça va être quelque chose. Bon, moi, je parle, je ris de mes parents qui ont de la misère à programmer un ordinateur. Mais moi, je suis là, puis iCloud, sur moi, iCloud, attends, bouge pas. Tu sais, j'ai un peu de misère. L'info nuagique, t'as de la misère. Un petit peu. T'sais, non, t'sais, mes affaires ne concordent pas tout le temps. Ma fille, ça va être un père. Elle va dire, on parle. Ça t'arrange ça. Mais comme, regarde, tu peux avoir tous tes rendez-vous-là, tu vas tout avoir là. Je dis, arrête de me niaiser. Mais parce qu'il manipule ces affaires-là, les jeux. Mais quand tout le monde va avoir le bras de. Comment il s'appelle? Le gars dans. Ben, la bébite dans Prédateur, là. Tu sais, quand il se fait exploser à la fin. Oui, oui. Ça, tout le monde va avoir ça, là. On comprend rien, là, quand on le voit. Le Power Glove organique. Oui, que tu comprends qu'à un moment donné, c'est une bombe. On va tout avoir une bombe, c'est bon. Ouais. Wow! Moi, je suis pour ça. Mais crise d'opportunité, quoi? Est-ce qu'il va aller étudier dans ce domaine-là? Est-ce qu'il veut faire de l'informatique? Aller visiter Ubisoft ou je sais pas, c'est à Québec, Montréal. Il y a des romans qui sont inspirés de jeux vidéo. Oui. Mm-hmm. Tu pourrais peut-être commencer à lire ça, des bons Splinter Cell, Tom Clancy, tranquillement. Aussi, hein? Puis pour apprécier la littérature, aller ailleurs. Créer le sien, l'encourager. Ah ben oui, créer son univers. Mm. Minecraft. Ah. Le Taj Mahal à Minecraft. Hey, c'est qui a reproduit une ville complète? Il y a une gang, là. Mais... Complète. Qu'est-ce que c'est, Minecraft? J'ai jamais joué, je sais pas. Mais... J'ai jamais vraiment joué non plus. C'est un jeu au look relativement simple, très pixelisé, mais donc collaboratif, où tu dois exécuter différentes tâches pour survivre, mais tu peux construire des choses. OK, c'est cool. Tu peux faire ta petite maison, ta famille. Bloc par bloc, donc pixel par pixel, tu peux reproduire, puis il y en a qui le font, de grands monuments. Okay. Ouais. Mais je n'ai jamais vraiment joué non plus. Non. Je décris ça à peu près. Quand même. Mais c'est un jeu en ligne, tu vas là, puis tu participes à cet univers-là, tu croises au monde, puis tu peux le construire. Ah, construire. Quelle chose, selon vous, bon, OK, on s'entend, là, la vraie vie, la fausse vie, c'est pas un concept auquel on adhère nécessairement. Mm. Mais les choses que vous dites, moi, avoir un petit frère de 15 ans, j'aimerais ça qu'il découvre ça. Je dis pas que ça va être la bonne affaire, mais pour vous, là. La musique. La musique? Mais tu sais, ben c'est vrai que la musique dans les jeux vidéo a quand même une importance importante. Ouais, ils en font des shows maintenant. Puis c'est cool, puis il y a comme une culture de tout ça aussi, qui est dans nous aussi, mais... Mm-hmm. La musique. Moi, mon cliché, là, puis j'en ai parlé rapidement. Parfait. Cliché poche. Non, mais les études. Mm. C'est une espèce d'affaire où moi, je viens avec un garçon de 15 ans. Ses études vont bien, puis tu disais par rapport à mon père, ben, que tu peux jouer. C'est à des moments où on comprend que dans le système, même si tu as tes moments isolés d'adolescent ou je ne sais pas quoi trop. Mm. Que ce soit ça ou d'autres activités, d'ailleurs. Mais si il remplit son travail... De citoyen, de faire, ben, j'ai des bonnes notes, puis je fais le maximum, donc, je sais lire, écrire, tout ça. Après ça, tu fais, ben, il choisira bien ses moyens d'être curieux, puis de visiter autre chose, puis de. Tu sais, puis il joue à Assassin's Creed, puis je l'ai pogné sur Internet à checker quelques affaires historiques, là, à un moment donné, parce que t'es là-dedans, il y a des personnages, il y a des patentes, ville italienne. Je pense que c'est de plus en plus fouillé, recherché. Il faut un effort quand même. Là, ouais, ça, c'est pas trop con. Ouais. Ouais. Développer un sens de l'humour, ça, on dirait que c'est dur, mais tu sais, on dirait que des fois à 15 ans. C'est pas ce que je dis. C'est une blague. Ok. Non, mais tu sais, c'est comme. On dirait que des fois à 15 ans, là, tout est tellement dramatique, pis pas drôle, pis comme des fois, ils ont de la misère, je trouve, à prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivent, pis à en rire, pis trouver ça amusant. Tout est tellement grave, là, genre. Il n'y a rien de si grave que ça, pour vrai. Mais non. Mais à cet âge-là, tu peux pas dire ça parce que tu le vis, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme n'importe quelle maladie ou étape de ta vie, tu peux prendre un recul par après. Exact. Ouais. C'est quand tu te rends pas compte que tu es en dépression tant que tu n'en sors pas. Ouais, c'est quand tu en sors que tu peux dire que c'était dur, la dépression. Ouais. Mais quand tu es dedans... Mais c'est ça. Mais c'est comme je disais tantôt, tu sais, plus tu t'essayes d'arracher quelqu'un de son affaire, plus il s'agrippe. Ouais. T'sais? Pour le lousser, faut... Je pense, moi, en tout cas, ma solution préférée, l'accompagner. Là-dedans. Ouais. Dans ses intérêts. À un moment donné, il va lâcher ça là. Respecter cet intérêt-là, mais agrandir les autres. Moi, c'est par le cinéma. Ouais. Je fais juste ça dans la vie, mettons. Mm-hmm. Mais c'est sûr que l'obliger à dire, tu vas voir un remake, ben, t'es mieux d'avoir vu l'original. Ouais. On va le regarder ensemble. Aller voir un excellent film Halo. Oui, ça va être commencer par ça. Ouais. Doom. Resident Evil. Doom. Resident Evil. Adaptation de jeux vidéo. Mario Bros. Ça, c'est un classique, hein? Tous les jeux adaptés au cinéma et vice-versa, habituellement, il y a comme un... c'est 90% des chances que c'est mauvais. Ouais. Jeux vidéo, dans un sens ou l'autre. Là. Ouais, mais il y a eu des miracles. Il y a eu des jeux de société qui ont été bien adaptés. Clou reste un grand film. Battleship, oui. Jeux de société. Battleship. Avec Rihanna. Non, lâche-moi. Battleship. Ça a l'air pourri. Que c'est que mauvais. Bon, en fait, tantôt, j'ai pas le choix de dire qu'il est très très plate. Désolé, ça me brûle. T'as parlé tantôt de Predator, l'espèce d'affaire. Ouais. Tu sais que Arnold a fait Predator parce qu'il a refusé de faire une suite à Commando, okay, qui était le scénario original de Die Hard. Donc, Piège de cristal est né d'un refus d'Arnold. Le scénario a été changé pour l'accommoder, tout ça. Wow. Fait que son refus a créé un des plus grands classiques de films d'action. Mmh. Hein, c'est un peu weird, là. Mais vas-y, Mathieu, qu'est-ce que tu dis? J'allais rien dire. Okay. Hey, moi, à cet âge-là, j'allais au centre des jeunes. Et c'était mon monde à moi. Tu sais, je veux dire, mon frère, ma soeur, mes parents, ils n'avaient pas accès à moi de venir me voir puis se sentir mal. Mais je pense qu'il y a ce besoin-là, à cet âge-là, d'avoir un peu son monde à soi là, pendant un bout de temps. Pour parce qu'on est... Ben là, on rentre pas dans la psychologie, là, mais tu sais, c'est ça. Pendant un bout de temps, toute ta jeunesse, t'es avec ta famille, puis à un moment donné, il faut que tu deviennes une personne par toi-même. Ouais. Fait que, Arton, pense que t'as pas à t'inquiéter. Ouais, peut-être qu'Arton, lui, pourrait essayer de trouver c'était quoi, lui, son affaire qui l'isolait un peu plus, ou tu sais... Oui. Puis voir, essayer de voir qu'est-ce que lui est allé chercher là-dedans, puis de faire des parallèles. Mais ne serait-ce qu'au niveau de l'espace aussi, c'est, tu sais, l'isolement, c'est aussi le fait qu'il est sûrement dans le sous-sol tout seul. Ouais, c'est ça. Vidéo, pourquoi pas y dire, ben, ta machine, mais là, sur la télé principale, quand tu joues, nous autres aussi, on va être là, puis de temps en temps, ça va être à notre tour, regardez nos affaires, regarde-la avec nous autres, tu sais, puis je sais pas. Bob Savoie sur Twitter. Moment, mais... Ouais. Bob Savoie a écrit, « Dessiner des paires de seins partout, il va rester focusé. » Ah oui, par oui. Il y a J.P. Durand. J.P. Durand qui écrit, lui acheter une Wii U. Oh. J'aime ça. On va jouer avec au moins. J'aime ça, j'en fais... Non, oui, c'est ça, tu sais. Passe-moi ça. Wii U, Wii U, vraiment? Non, je sais pas. J'ai pas. Je sais pas c'est quoi. Mais... L'avantage, c'est juste que ça fait qu'il a le droit de continuer de jouer sur sa machine en étant avec le monde. Ah t'sais, ouais? Si jamais on écoute la TV, il peut continuer à jouer à son jeu sur l'affaire, fait. À côté de lui, tu checkes de temps en temps ce qu'il fait. T'sais, il n'est pas obligé de s'isoler pour jouer. C'est comme un gros Game Boy que tu projettes sur la TV. Ça mélange les deux. Ouais, mais tu peux aussi avoir des combinaisons. Ouais, c'est ça, ça, c'est ça. Ou. T'as ta map, t'as toi, sur ton affaire, puis tu joues là. Ou... Ouais, ouais. C'est comme un iPad avec des manettes, puis. Un écran. Un écran qui est comme une Wii, mais qui n'est pas du tout comme un iPad. Ah ouais, ouais, je vois. Wii U. Wii U. Peut-être aller se chercher une Turbo Graphics, une vieille console qui a pas fonctionné, mais qui était très bonne à l'époque. Une. T'en as encore une? Ah oui, j'ai mes parents, j'ai ça. Wow. Turbo Graphics 16? Ouais. Je connais pas ça. C'est des cartouches, c'est des cartouches. Ah. Des cassettes, c'est comme des disquettes, des petites disquettes blanches. Ok. Wow. Non, mais l'approcher avec du rétro gaming, je sais que Rétro Nouveau, un autre podcast qui parle de jeux vidéo anciens et nouveaux. Il y en a il y en a un qui est plus rétro, puis l'autre qui est plus nouveau. Il y a eu tellement d'affaires, tu sais, le Jaguar, le 3D. Ouais. Ouais, va sur Twitter, va chercher Papa Cassette, tu vas voir, il va vous faire découvrir des choses. Ah, je vais regarder ça. Ouais. Ah. Ouais, ouais. Ouais. Oui, oui. Et voilà, donc, c'était un shout-out, ça. Oui. Yes. Shout-out à nos bros de cast. Yeah. À tous ceux qui font du podcast au Québec et partout dans le monde. Qui sont tous derrière nous, malheureusement, parce qu'on est numéro un. Ouais. Non, c'est pas, la compétition, c'est bon. Yes! Et puis, nous, on vous demande vos solutions et vos problèmes. Continuez à nous écrire. N'oubliez pas notre concours de T-shirt. Oui. Jusqu'au 14 mars. C'est fini? Parce que fini! Ça va être bientôt, là. Donc, on va mettre un peu de pression sur Internet. S'il n'y en a pas déjà, j'imagine. Mm-hmm. Et voilà. Parce qu'il faut absolument changer les t-shirts que nos quatre on porte aujourd'hui. Là. On essaie de porter le même t-shirt, là, puis c'était pas une bonne idée. T'es pas joyeux! Oh, non, non, Frédéric, qu'est-ce que c'est donc nos t-shirts, Frédéric? Ah, j'ai pas envie d'en parler. Ouais, ben c'est ça le slogan. J'ai pas envie d'en parler. Puis Antoine, c'est pas dent A-A-N-S, c'est une dent. Ouais, c'est ça. C'est comme un rébus. Fait que c'était bien terrible aujourd'hui. Wow, quelle belle fin de podcast! Alors, là-dessus, messieurs, avez-vous une petite phrase de sagesse? Je baisse les yeux parce que rien. Là. Une phrase de sagesse, comme « Vous avez un problème, nous avons un podcast. » Ah!